Je n'ai même plus d'histoire. Je suis laide sans toi. Je suis sale sans toi. Comme une orpheline. Aux endortoirs, je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie, c'est ce corps, tu pars. Je n'ai plus de vie. Et même mon lit se transforme en cas de guerre. Quand tu en vas, je suis malade. Complètement malade. Pourquoi ma mère sortait le soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir? Je suis à toi, je suis fatiguée, je suis épuisée, mon corps semble être heureuse. Quand tu sens là, je bois toutes les nuits et tous les whisky, pas moi, ouais, le même goût, et tous les bateaux pour te tendre un peu. Je ne serai plus voilée, tu es partout, je suis seul avec mon désespoir. Je suis